solidarité aussi est contagieuse. Merci. Continuons à faire progresser la solidarité ensemble. Say they want to learn guitar, but very few actually learn to play? It's simple. Too many... Avec YouTube Premium, vous regardez toutes les vidéos que vous voulez sans interruption. Accédez à ce qui...